Chapitre 13e. Harmonie était rentrée une demi-heure auparavant et se remémorait sa journée dans un grand bain bouillonnant. Elle n'arrivait pas à imaginer qu'elle allait se marier. Jérémie, aux petits soins pour elle, continuait ses folies. Il en avait les moyens, certes, mais elle n'était pas habituée à tant de largesses. Tout cela coûtait une petite fortune et elle se sentait mal à l'aise. Elle se remémora la robe choisie quelques heures auparavant. De la pure indécence, tant par la beauté que par le prix. Elle répétait sans cesse ses arguments, mais n'arrivait pas cependant à s'en défaire. Pour elle, c'était trop, décidément trop. Mais comment faire pour le lui faire comprendre sans le vexer? De plus, pour la robe, c'était trop tard. Une pure merveille de mousseline de soie et de tulle, le tout en drapé et rebrodé de fleurs et feuilles de couleur noire fumée. Le voile était à l'identique et d'une longueur indécente. Elle se demandait comment elle ne pourrait pas se prendre les pieds dans tout cela. Le taxi déposa Jérémie non pas à côté du Bird of Paradise, mais à la passerelle du magnifique navire qui venait juste d'accoster, le Mermaid of the Seas, la sirène des mers. Il monta à bord après avoir présenté son passeport. On le conduisit jusqu'au bureau du capitaine. Je vous souhaite la bienvenue à mon bord, monsieur Emerson. Je dois dire que ce sera la seconde fois que j'officierai. Ce sera avec grand plaisir. Mais vous avez eu beaucoup de chance. Le Mermaid of the Sea était pratiquement complet. À vrai dire, il ne restait que la suite nuptiale, ainsi qu'une autre cabine qui venait juste de se libérer. Pourrais-je vous demander à quelle heure vous comptez embarquer avec votre future épouse? Vos bagages étant déjà à bord, je pensais que cela devrait être rapide. Effectivement. Je dîne à bord du Bird of Paradise et nous serons heureux d'être à vos hôtes aussitôt après. Je venais vous remercier pour votre amabilité et d'avoir permis ce mariage si soudain. Ne me remerciez pas, c'est la compagnie qui a décidé, avec votre accord. Le capitaine Maurizio Calana eut une moue modeste et lui serra la main. Jérémie fit les quelques centaines de mètres qui le séparaient du Bird of Paradise à pied. Il huma la brise marine encore toute pleine d'embrun due à la récente averse. Il se sentait heureux comme jamais il ne l'avait été auparavant. Il voulait aussi qu'Harmonie le soit le plus possible. Il allait tout faire pour cela jusqu'à leur mort. Quoi qu'il arrive, il ne resterait pas seul sur cette terre. Il avait de bons moyens d'existence. Leur père leur avait légué à sa mort quelques enseignes de supermarchés, des hôtels de luxe, une banque et une usine de bonbons. Depuis bien des années, son frère et lui se débrouillaient financièrement très bien. Consul dans trois pays, puis ambassadeur en Italie, Jason était largement rémunéré. Lui, en tant que chercheur dans un immense labo, était bien nanti également. Il avait même fait monter son petit labo privé dans sa propriété. Cette dernière se trouvant au Québec, il avait peu de route à faire entre son vrai travail et son domicile, où il continuait à ses heures perdues ses recherches. À présent, si Harmonie voulait vivre en France, il restait une des propriétés de son père dans la ville d'Honfleur. Elle surplombait l'entrée de l'estuaire, avait vue sur le Havre et était à quelques kilomètres seulement de la clinique que son paternel avait fait construire pour lui lorsqu'après ses études de médecine, il avait décrété vouloir rester en France travailler. Entre-temps, il avait connu Lisbeth, américaine venue visiter la France. Il était tombé amoureux et l'avait suivie à New York. La clinique avait été mise en gérance, la propriété ne servait que pour les quelques vacances qu'il prenait de temps à autre. Il ne se souvenait d'ailleurs plus depuis combien de temps il n'y avait remis les pieds. Un gentil couple de gardiens, Louise et Roger Morin, s'occupaient de cette magnifique demeure et de son immense jardin, avec beaucoup de soin, depuis plus de 15 ans déjà. Il y aurait bien sûr des rénovations et un nouveau labo à installer. Il comptait demander son avis à Harmonie et voyager le temps des travaux. Depuis qu'il l'avait rencontrée, il planifiait, ordonnait et faisait tout ce qu'il pouvait pour la rendre totalement heureuse. Il avait tellement de mal à croire à ce qui lui arrivait. Jamais dans toute sa vie il n'avait connu pareil bonheur. Il rejoignit sa suite. Ron dormait profondément. Il le secoua doucement. « Ça va, mon fils ?»« Bien, grogna-t-il. Pourquoi me réveilles-tu si tôt ?» 19h15, je ne trouve pas qu'il est si tôt. Déjà? Fit le jeune homme sautant du lit. Attends, lui demanda son père, assieds-toi juste un instant, j'ai à te parler. Ce doit être drôlement sérieux. Harmonie va bien? fit-il le front soudain soucieux. Oui, elle va très bien. Justement, je voulais te dire. Enfin, te demander. Quoi? Si tu voulais être mon garçon d'honneur. Yeah, un peu que je le veux. Où comptez-vous vous marier? À New York, au Canada, Québec et quand? Doucement, nous allons nous marier sur un bateau. Ici, maintenant? Pas sur celui-ci. Le Mermaid of the Seas qui est à quai depuis quelques heures. Tu auras ta cabine privée, une chance, il n'en restait qu'une grâce à un désistement de dernière minute. Quant à nous, nous aurons la suite nuptiale. Vous vous marierez sur le bateau? Mais où va-t-il? Promets-moi de garder le secret. Il retourne à Madère. Je veux que le mariage civil soit prononcé sur cette île. Mais tu te rends compte? Qui va officier? Ce ne sera pas légal, papa. Oh, bien sûr que si. C'est ton oncle Jason qui officiera sur l'île. Dérogation spéciale qu'il a obtenue aujourd'hui même. Par contre, celui sur le bateau, ce sera le commandant Maurizio Calama du Mermaid. Tu as tout préparé à une vitesse? Pourquoi? De quoi as-tu si peur? Est-ce que le scanner de ce matin, il était bon à tout point de vue? Je veux lui donner tout ce que j'ai. J'ai aimé ta mère, mon fils, mais Harmonie, c'est différent. C'est mon âme sœur. Et tu verras qu'il est très rare de rencontrer son âme sœur dans une vie. N'oublie pas, tu as promis. Ron, juste un instant, se rembrunit sans que son père s'en aperçoive, puis répondit: Croix de bois. Je dois encore préparer pas mal de choses dès demain. Pourras-tu tenir compagnie à Harmonie pendant ce temps-là? Peut-être aussi profiter pour faire plus ample connaissance. T'inquiète, Dad, je l'aime beaucoup. Elle est très sympa, jeune et comprend beaucoup de choses. Nous avons déjà pas mal discuté et j'adore son ouverture d'esprit. Je serai son chevalier servant pour demain, c'est d'accord. Mais ce soir j'ai sommeil. Je vais dîner ici si tu le permets. Cette chaleur d'aujourd'hui m'a mis KO. Ronnie, enfant né en hiver pendant un blizzard sur New York, ne supportait pas la chaleur. Jérémy n'eut que le temps de prendre une douche rapide et de s'habiller d'un simple pull en cachemire et d'un jean noir. Il arriva juste au même instant qu'Harmonie, qu'il faillit encore une fois bousculer. Ça devient une habitude, cher monsieur, lui dit-elle, faisant semblant d'être fâchée. Oh, je suis désolée. Battez-moi, bel enfant, mais pardonnez-moi, je vous en prie. Harmonie éclata d'un rire cristallin. Tu es impayable, et c'est aussi pour cela que je t'aime. Ron n'est pas avec toi? Non, il est fatigué, la chaleur. Allons dîner. Je ne sais pas pour toi, mais je meurs de faim. Il ouvrit grand la bouche comme s'il voulait la croquer. En effet, il est temps, répliqua Harmonie toute joyeuse. La salle du restaurant, ce soir-là, était complète et suffisamment bruyante pour qu'il se dépêche de dîner. Un potage aux ormeaux ainsi que des gambas grillées et flambées firent leur bonheur. Ils décidèrent de prendre un dessert plus tard. Jérémy prit Harmonie par les épaules et l'entraîna vers une alcôve discrète. On vint leur apporter un café-dessert. Là, au moins, je serai certain que tu entendras tout ce que j'ai à t'apprendre, mon amour. Moi aussi, je voulais te parler. Je t'écoute. Eh bien, non pas que je n'aime pas me faire bichonner comme tu le fais, mais c'est trop pour moi. Attends, darling, je ne veux que te rendre heureuse, et j'en ai les moyens. Rien, jamais, ne sera trop beau pour toi. Mais je ne pourrai jamais te rendre la pareille. Mon gain au loto n'était pas aussi important. Je ne veux pas que tu dépenses un seul centime de ton argent. Je suis encore plutôt vieux jeu là-dessus. Je pense que l'homme, s'il le peut, doit subvenir aux besoins de sa femme. Tu es archaïque, mon amour. Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Tu en prendras l'habitude, et puis ce n'est que pour le moment, que pour le mariage. Je veux un conte de fées que tu n'oublieras, que nous n'oublierons jamais. Tu veux bien me laisser ce plaisir? Harmonie déclara forfait. Elle ne pouvait résister au regard que Jérémy prenait lorsqu'il voulait vraiment quelque chose. Je vais te narrer la suite des événements. Tu n'as rien remarqué avec ta garde-robe? Non, j'aurais dû. Tes bagages ont été portés sur un autre bateau. Il est amarré juste à côté de celui-ci. Pourquoi nous repartons en croisière? En quelque sorte. Nous nous marierons sur ce bateau. Mais il y aura une autre surprise. Encore et toujours des surprises. Cela te déplaît? Non, bien sûr que non. D'autant plus que je vois dans tes yeux que tu es heureux. J'aurai beaucoup de choses à régler demain. Ron, qui sera mon garçon d'honneur, te tiendra compagnie. Et qui sera ma demoiselle d'honneur? Figure-toi que la jolie doctoresse Vilona Rasnova a accepté de l'être. Après, à un jour près, elle devait rejoindre le Mermaid, donc. Comment fais-tu pour penser à tout? Un mariage se prépare en quelques mois et toi, au fait, nous nous marions quand? Samedi. Et tu penses que tout sera prêt? Certainement. D'accord, je veux voir. Oh, j'ai fait une folie avec la robe. Génial. Bon sang, j'ai oublié mon costume. Harmonie prit un fou rire. Tu y as cru, fit Jérémie malicieux. Oh, toi, fit-elle en le bourrant de coups de poing. Il faut que nous allions prendre les quelques vêtements qui restent dans nos suites et changer de navire. Maintenant? Eh oui, de suite. Le Mermaid repart avant le Bird. Nous y allons. Il prit la main d'Harmonie, la baisa et la mit sous son bras. Il était un peu moins de 23 heures lorsqu'ils embarquèrent. Jérémie dormirait avec son fils, et Harmonie aurait la suite nuptiale pour elle seule jusqu'à samedi.